J'en ai connu des qui me disaient: petit, faut pas que tu perdes, faut y aller. Faut faire comme si, ou bien fais pas comme ça. Je m'en souviens bien, c'était des yakas. Passe devant, t'inquiète, on te suivra. On est tous derrière toi. Et heureusement qu'il y a les autres pour morfler. Faut pas exagérer. Bon, ils contrôlaient toute la contrée, faisant la guerre aussi t'y vas, j'y vais. Échauffouré au comptoir d'un café, bilan 24 morts et 14 tués. Tout ça pour ça, s'inquiétèrent les yakas. Fallait y aller, dire les si t'y vas, j'y vais. Bah, hey, qu'est-ce qu'on va faire? Demandèrent les yakas. Faut discuter, dire les si t'y vas, j'y vais. On est mal barré. Panique à bord, on nage en pleine confusion. À supporter ces sociopathes patentés. Un jour ou l'autre, on va se retrouver en caleçon. Si ces cons-là continuent à nous polluer. Maman Colomb, on est plutôt mal barré. Surtout pantois devant tant d'efficacité. Et si mon propos semble confus ou vous déplaît, n'hésitez pas, on pourrait peut-être en discuter. Et la boucle est bouclée.